En Corée du Sud, d'après les informations, le comité de lutte de Songju pour le retrait de la disposition de Sade, le comité de mesure des citadins de Kimcheon contre la disposition de Sade, le comité de mesure urgente pour défendre le lieu sacré de Songju du bouddhisme Won, le comité de mesure de Daegu et de la province de Gyeongsang du Nord contre la disposition de Sade et l'action nationale contre la disposition de Sade ont publié le 12 une déclaration pour exiger des États-Unis et du gouvernement sud-coréen de retirer immédiatement le système d'armes américain en question. Ce jour-là, les membres de diverses organisations, comme les directions de presse et de sciences du Comité Sud pour l'application de la déclaration commune du 15 juin, ont tenu un colloque à la salle de réunion du syndicat de presse pour demander de vérifier le résultat de l'enquête de l'incident du navire Chonan que la bande traîtresse de Lee Myung-bak a défini comme la conduite du Nord.